Question réponse sur la leçon. À présent, nous allons savoir si tu as bien compris la leçon. Je vais te poser quelques questions, écoute-les attentivement et donne-moi la réponse. Première question. Qui nous a créés? C'est Allah qui nous a créés. Deuxième question. Le tawhid, qu'est-ce que cela veut dire? Le tawhid veut dire adorer Allah seul et n'adorer rien d'autre que lui. Troisième question. Comment s'appelait le premier homme? Le premier homme s'appelait Adam. C'était un prophète. Quatrième question. Qui est l'ennemi des hommes? L'ennemi des hommes, c'est Iblis. Cinquième question. Quel prophète a échappé à Pharaon en traversant la mer? C'est le prophète Moussa. Allah a ouvert la mer en deux pour qu'il la traverse, lui et son peuple. Sixième question. Quelle est la chose que Allah déteste le plus? C'est le shirk. Allah ne pardonne pas le shirk. Septième et dernière question. Qu'est-ce que le peuple de Nuh a fabriqué pour commettre le shirk? Ils ont fabriqué des statues pour les adorer au lieu d'adorer Allah. Wallahu al-musta'an.